Léonce Vitariho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se poursuit ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie. Le Burundi est représenté à ce sommet par le premier vice-président de la République. On en parle dans cette édition. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques demande au président de l'Assemblée nationale de suspendre la contribution de la population pour les prochaines élections prévues en 2020. Des contributions que le président de l'Observatoire juge illégales, vous l'entendrez. La police burundaise a intercepté 12 filles le week-end dernier à Mabanda, en province de Makamba, au sud du Burundi. Elles avaient la mission de se rendre en Oman, selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Et au sport, l'équipe messager d'Ngozi a perdu le week-end dernier la première place qu'elle occupait depuis la fin de la phase aller du championnat national de football en première division. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Le 30e sommet de l'Union africaine se poursuit ce lundi à Addis Abeba, en Éthiopie. Trois crises, dont celle en République démocratique du Congo et au sud du Soudan, ont fait objet de discussions par ces chefs d'État et de gouvernement. Le Burundi a été représenté par le premier vice-président de la République, Aubin Niyonguru, pour les détails. Trois crises ont retenu l'attention des dirigeants africains ce lundi à Addis Abeba. Elles ont été pointées par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Les trois crises évoquées sont celles du Sud-Soudan, de la République démocratique du Congo et celle du Mali. Pour le Sud-Soudan, le moment est venu d'imposer des sanctions à ceux qui font obstacle à la paix, a lancé Moussa Faki Mahamat. En RDC, il souligne l'urgence de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre en vue de la tenue des élections en décembre de cette année. Au Mali, pour Moussa Faki Mahamat, il faut accélérer la mise en œuvre de l'accord d'Alger parallèlement à la mobilisation d'une approche d'un appui plus important de la communauté internationale pour la force conjointe du G5 Sahel. Ce lundi, le président rwandais Paul Kagame va succéder officiellement à Alpha Condé à la présidence tournante de cette organisation panafricaine. Le Burundi a été représenté dans ce sommet par le premier vice-président Gaston Sindimon. Merci Aubin. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques demande au président de l'Assemblée nationale de suspendre la contribution de la population pour les élections de 2020. Dans une correspondance le 26 janvier, le président de l'Observatoire indique que c'est une contribution illégale. Gabriel Loussidi explique que pour les fonctionnaires, elle est demandée 5 fois par an. Suivez. Après avoir écrit une correspondance au gouvernement du Burundi pour demander l'annulation purement et simple par ce même gouvernement, apparemment le gouvernement n'a pas voulu réagir sur cette correspondance. C'est pour cette raison que l'ORICOM a jugé bon de saisir le président de l'Assemblée nationale dans le but de lui montrer toutes les lois de la République qui ont été violées, à commencer par la Constitution. La contribution est demandée quand il y a eu dans le pays la calamité naturelle et nationale. Les élections ne sont pas de la calamité naturelle. Ce qui nous préoccupe beaucoup plus davantage, en plus de cette violation de ces lois, cette fameuse contribution que l'ORICOM appelle impôt forcé est demandée au moins 5 fois par le gouvernement et pour une seule personne. Premièrement, le gouvernement demande cette contribution par le retrait à la source à un fonctionnaire de l'État ou autre personne qui a un salaire. Deuxièmement, le gouvernement demande cette somme à un élève qui a au moins 18 ans. Vous comprenez que c'est le même fonctionnaire qui paye cette somme parce que l'élève, c'est l'élève. Troisièmement, c'est l'institution à laquelle le même fonctionnaire prête. La quatrième imposition contribution, c'est la contribution par ménage. La cinquième façon de contribuer, c'est le montant qui est mis dans le budget chaque année, chaque année. Qu'est-ce que le LUCOM attend du président de l'Assemblée nationale? Parmi les missions de l'Assemblée nationale, il y a effectivement le contrôle de l'action gouvernementale. C'est la raison pour laquelle donc, le LUCOM a demandé au président de l'Assemblée nationale d'exiger au gouvernement burundais d'annuler cette ordonnance inconstitutionnelle. On ne peut pas vraiment accepter que de telles ordonnances continuent à produire ces effets négatifs sur les citoyens burundais. Parlons sport pour vous dire que la formation Messager de Ngozi a perdu le week-end dernier la première place et qu'elle occupait depuis la fin de la phase aller du championnat national de football en première division. Cette formation a été tenue à l'échec par les Lierres samedi dernier. C'est au moment où Delta Star de Gatumba est toujours 16e et dernière du championnat après sa défaite ce dimanche contre Messager Bujumbura. Quatre équipes nationales des joueurs locaux qualifiés pour les demi-finales de CHAN 2018 qui se déroulent au Maroc sont connues depuis ce dimanche. Il s'agit de la Libye, du Nigeria, du Maroc et du Soudan. Les détails de l'actualité sportive avec Evariste Nzikobanyang. La semaine dernière n'a pas été merveilleuse pour l'entraîneur, les joueurs et les fans de l'équipe de football Messager Ngozi. Lors du match contre les Lierres de Bujumbura samedi à 14h au stade des Princes Rugo à Gassoré, cette formation a été vouée à l'échec. Cette dernière a été battue 2-0 par les Lierres de Bujumbura, but inscrit dans les 45 premières minutes. Au moment où, côté les Lierres, l'ont célébré cette victoire, côté Messager Ngozi, c'était de la colère qui tasquait le coach de cette formation d'origine française qui aimait se confier à la presse a refusé d'accorder une interview aux journalistes sportifs. Après cette défaite, Messager Ngozi a perdu la première place et se retrouve à la 7e journée en 2e position. Didier Ludic et Burundi, qui était en 2e position lors de la fin de la phase aller, a profité ce samedi de cette défaite de Messager Ngozi et a récupéré cette première place. C'est après avoir battu ce samedi à 16h sur la pelouse du stade des Princes du Gwagasore, flambeau du centre de Gitega, 4-1. Les autres résultats de la semaine, Buja City a battu mercredi Interstar 4-1. Ngozi City et les Jeunes Athlétiques ont fait match nul de 0-0. Aigle Nord de Makamba a égalisé un but partout avec Olympic Star de Muyinga. Messager Bujumbura a battu Delta Star de Gatumba 5-2. Atlético Olympique a été battu par Buja City 2-0. Musongati de Gitega a égalisé à domicile avec Vitalo sur le score vierge de 0-0. La défaite de Delta ce dimanche a poussé cette formation de Gatumba à se maintenir à la 16e et dernière position du championnat en cours. Quatre équipes nationales qui vont jouer en demi-finale du championnat d'Afrique des joueurs locaux sont connues depuis la fin du week-end. Il s'agit du Maroc qui a battu samedi en quart de finale la Namibie 2-0. Le Soudan qui a battu la Zambie 1-0. Le Nigeria qui a battu ce dimanche l'Angola 2-1 et la Libye qui a battu le Congo Brazza au tir au but 5-3 après le match nul de 1-0. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le chef de colline Gitanga en commune Wuhiga de la province Karusi est emprisonné depuis samedi. Le commissaire provincial de la police indique qu'il a été arrêté pour enquête sur la mort d'une personne qui a été battue par la population, l'accusant de vol. Blaise Pascal Kararumi. Le chef de colline Gitanga Nzomuitakuze Yunusu de la commune Wuhiga province Karusi est emprisonné avec quatre autres personnes de sa colline depuis ce samedi au cachot de la zone Wuhiga. Ils sont tous accusés de meurtre d'une personne qui a été arrêtée pendant la journée vers midi de ce samedi et battue par la population jusqu'à la mort. Cela est confirmé par le commissaire provincial de la police qui indique que le défunt répondait au nom d'Ondabe Meyetoma et originaire de la colline Maranvia de la commune Gitaramuka. Cet homme de 30 ans aurait été battu, accusé de vol, mais qu'il n'y a rien qui a été trouvé sur lui pouvant l'accuser. Cela est signalé par la population et confirmé par la police. La police explique que c'est la raison pour laquelle le chef de colline a été arrêté avec ses autres personnes jeunes de la colline. La population indique qu'il avait seulement une maladie mentale et qu'il se promenait dans différentes collines des communes Wuhiga et Gitaramuka sans toutefois causer des ennuis à la population. Des sources sur place parlaient aussi d'un autre homme de la colline Mouweza, qui a aussi bâti à mort par les mêmes individus sur la même colline le jeudi passé, et la victime est alitée à l'hôpital de Buhiga. Et puis Karusi, Blaise Pascal Karalumie pour Radio Isanganiro. Merci à Blaise et Pascal. 12 filles ont été interceptées par la police dans la commune Mabanda, province Makamba, au sud du pays au cours du week-end dernier. Selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, toutes ces filles avaient la mission de se rendre en Oman via la Tanzanie puis le Kenya. S'agissant d'un trafic des êtres humains qui reste en cours, dit Pierre Ngurikiye, deux trafiquants, dont un homme et une femme, ont été également arrêtés. Pierre Ngurikiye précise également que toutes ces personnes possédait sur elle des passeports neufs. Certains agents recenseurs pour le référendum constitutionnel de mai prochain et les élections générales de 2020 dans les communes Rugombo et Uganda en province de Cibitoke se lamentent. Ils disent que l'élaboration des listes a été émaillée d'irrégularités. Ceux qui se sont exprimés sur Isanganiro demandent que les commissions électorales communales indépendantes ne doivent pas travailler comme les partis politiques suivaient. Jewe uko byare bimeze bacyafisha ubwa mbere nari ndiko ariko maze kuba ko bukeye mu gitondo nko masata ngiye kwirava nasanze bamanuye liste. Avec le premier affichage, j'étais sur la liste, mais le lendemain vers 11h, les listes étaient descendues. De plus, j'étais encadreur. Avec l'autre affichage, les inscrits sont venus aujourd'hui pour une formation, mais curieusement, les listes ont été de nouveau redescendues. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas comment c'est programmé. Nous attendons, il y a beaucoup de rumeurs. Nous ne savons pas encore ce qui va se passer. À y voir de près, l'élaboration des listes est émaillée d'irrégularités. Si nous regardons dès le début, depuis que l'on a déposé nos dossiers, nous avons entendu qu'il y a des listes qui ne cessent d'être confectionnées venant des partis politiques. Depuis le premier affichage, la première liste a été descendue, de même que la deuxième, et maintenant c'est une troisième. Les échos indiquent que c'est l'administrateur et les membres de son parti politique qui élaborent cette liste. Nous attendons quant à la nouvelle liste, nous ne savons pas si ce sera sur base des partis politiques ou qu'ils vont vraiment travailler comme des indépendants pour que les listes soient acceptables par tous. Une commission indépendante, si elle travaille comme un parti politique, ça devient grave. Nous demandons que la commission électorale provinciale indépendante soit comme un arbitre pour que les commissions électorales communales soient indépendantes, que les membres des partis politiques s'éloignent. Nous demandons qu'il y ait une commission qui étudie cas par cas et que ceux qui sont retenus travaillent à l'aise. Nous n'avons pas encore trouvé l'administrateur communal de Rugombo pour qu'il s'exprime sur des accusations portées contre lui. Dans l'entretemps, vous nous excuserez de la qualité sonore de cet élément. Les enseignants de l'école et la lumière, sise au quartier Buterere 1, au nord de Bujumbura, ont suspendu leurs activités ce lundi. Ils accusent le représentant légal de s'immiscer dans la gestion de l'école en prenant des décisions abusives. L'exemple qu'ils donnent est celui d'un préfet de discipline qui l'a limogé pour le remplacer par un planton. Quand nous sommes arrivés à cette école, ces enseignants étaient rassemblés dans la cour. Ils disent qu'ils n'ont pas enseigné pour contester les mesures illégales prise par le représentant légal de cette école dénommée École de la Lumière, sise au quartier 1 de la zone Buterere. Les 22 enseignants l'accusent de s'immiscer dans la gestion quotidienne de cet établissement en prenant des décisions non concertées. Ils donnent, à titre d'exemple, 5 enseignants qui ont été suspendus verbalement sans toutefois suivre aucune procédure légale. Les enseignants grévistes dénoncent également que le même représentant légal s'est montré incompétent dans la gestion des cas de tricherie sont venus aux examens du premier trimestre. Contacté à ce propos, le représentant légal, Kamis Hasangirawakide, n'a pas voulu s'exprimer. Et le directeur de cette école, Joseph Kagayo, nous a fait savoir qu'une réunion avec les parents, les autorités de cette école et ses enseignants est prévue pour essayer de trouver solution à ce problème. Merci Eli. Les réfugiés congolais qui désirent regagner les zones encore paisibles dans leur pays doivent passer par un centre de transit. Le gouverneur de Lumonge, Juvenal Bigirimana, explique que la loi régissant les réfugiés le veut ainsi. Et en passant, ces Congolais disent qu'ils sont confrontés à un problème de manque de nourriture, mais aussi à un manque d'hygiène. Un deuxième cas de décès s'est produit hier dimanche. Jean-Pierre Misago. Ces réfugiés congolais, ils ne sont plus à mesure de tenir dans les mauvaises conditions de vie dans lesquelles ils se trouvent aujourd'hui. Certains disent en effet qu'ils n'ont reçu aucune aide en vivre 5 jours qu'ils viennent de passer sur le territoire burundais. N'ont pas de latrine et les excréments sont éparpillés notamment autour du parquet et du tribunal de grande instance de Lumonge où les agents de la Croix-Rouge veillent à la désinfection. Ils n'ont pas de moustiquaires dans une région où grouillent les moustiques et une quarantaine d'entre eux souffrent déjà du paludisme, de diarrhées et vomissements. D'autres étaient à la recherche de leurs enfants comme Elisha Marco qui dit les avoir retrouvés mais qui ne peut pas les nourrir en l'absence de leur maman. Pour cela, ils demandent une autorisation pour regagner leur pays dans les régions où règne encore la paix et certains d'entre eux ont même deux moyens. Juvenal Bigirimana, gouverneur de Lumonge, juge irrécevable leur demande qu'il n'est possible que s'ils passent par un camp de transit. Entre-temps, un deuxième Congolais, cette fois-ci une dame, est morte la nuit dernière à l'hôpital public de Lumonge au moment où d'autres réfugiés congolais sont arrivés au port commercial de Lumonge ce lundi matin à bord de 7 navires de transport et 6 bateaux de pêche. Après une relative accalmie de ce week-end, avec seulement 6 réfugiés accueillis à Lumonge ce dimanche, de violents combats sont signalés dans la presqu'île de Boari depuis ce dimanche et des bombes se faisaient entendre à partir de Lumonge même ce lundi matin. Jean-Pierre Misago depuis Lumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eli Kadogo pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.